Le réalisateur François Honoré va réaliser son prochain film « 5 hommes ». Il téléphone à un agent de casting, Daniel Béat, pour trouver 5 comédiens. Allô Daniel, pour mon prochain film, j'ai besoin de 5 comédiens. Ok, alors décris-moi un peu leur physique et leur personnalité. Tu prends des notes ? Oui, je t'écoute. Alors, j'ai besoin d'un brun de taille moyenne, qui a les yeux bleus, du charme et les dents très blanches. D'un grand blond un peu laid, aux cheveux frisés. De deux hommes châtains aux yeux verts, plutôt petits et un peu ronds. Et enfin, d'un homme mince, aux cheveux gris, avec une barbe et un visage carré. Et leur personnalité ? Alors, le grand blond doit avoir bon caractère, le sens de l'humour et avoir l'air timide. Le brun doit être froid et antipathique. Les châtains, gentils et chaleureux. Et, pour finir, l'homme aux cheveux gris doit être très nerveux et stressé.